Trompe-l'œil. Ça n'expliquait pas. Bien sûr, il vieillissait, comme tout le monde. Il n'accordait pas à sa personne les soins assidus qu'elle réclamait. Avait quelquefois la mine grise des lendemains difficiles. Toute négligence qui vous change, oui, un visage. Mais pas de cette façon. Ce que Luc voyait dans la glace n'était pas lui transformé, lui méconnaissable, ni même lui ayant pris un sacré coup de vieux, mais bel et bien quelqu'un d'autre. Ce n'était pas flagrant, mais il était quand même bien placé pour s'en apercevoir. Tu ne trouves pas que j'ai changé ces derniers temps, je veux dire physiquement ? Hélène se contenta de rire et de le traiter d'idiot. Sa femme n'était pas si mal fondée non plus, il devait bien l'admettre. De surcroît, elle avait pour elle la force de l'évidence, ce qui n'était pas rien. À moitié convaincu, il vaqua à ses occupations. Mais les jours suivants, il guetta les regards de ses collègues, voulut surprendre un éclair d'incrédulité. Il tendit des perches que personne ne saisit. Luc aurait aimé en prendre son parti, balayer ses craintes, en rire avec Hélène. Mais il suffisait qu'il se vît dans un miroir pour que le doute le reprenne. « Ce n'est pas mon visage, » marmonnait-il, comme un enfant obstiné. Des différences discrètes, mais qui allaient s'affirmant, dans la ligne du nez, l'implantation des cheveux, la conformation de la mâchoire, ne pouvaient lui échapper. Ces changements, il l'aurait juré, ne devaient rien au temps qui passe. Afin d'en avoir le cœur net, il se soumit à un examen dont il escomptait un jugement incontestable. Ses yeux-là ne seraient pas abusés. Sans prévenir, il sonna chez sa mère dans la pleine lumière de l'après-midi. Si elle montra de la surprise, c'était de le voir. Elle le trouva plutôt en forme, avec tous les soucis qu'il avait. Trop heureuse d'une visite impromptue, elle multiplia sourires et amabilité, virevolta, servit des biscuits avec le thé, mit en sourdine ses plaintes habituelles à propos de son dos, ses jambes, l'ennui, la solitude. À mesure que le tête-à-tête s'éternisait, Luc eut l'étrange sentiment que sa mère cherchait à le séduire. Non comme un fils qu'on veut retenir, mais comme un inconnu devant qui elle souhaitait faire bonne impression. Il la quitta plus déconcerté qu'il n'était en arrivant. Les jours passèrent. Après l'échec de sa tentative, il ne voulait plus aborder le sujet avec Hélène. Pourtant, la situation ne s'améliorait pas. Au contraire, non content de devenir un autre, Luc s'aperçut un matin avec effarement qu'il connaissait ce type. Connaître est un grand mot pour quelqu'un qu'il avait croisé deux ou trois fois dans la rue, à qui il n'avait jamais adressé la parole, ou sans doute un habitant du quartier. Tout de même, ce nez plus fort, ces pommettes qui saillaient, ce sourire qu'il trouvait tantôt charmeur, tantôt fat, tout cela qui appartenait à l'autre, créait une intimité encombrante. Il s'efforça de ne rien trahir du trouble qui l'habitait. Il parvint du reste avec une facilité suspecte. Aux yeux de tous, il était bien Luc, égal à lui-même. Au bureau, son efficacité n'en pâtit pas. Dans son couple, les échanges gagnèrent même en intensité. Soit qu'Hélène le dorlota en souvenir de l'alarme, soit que, d'une certaine façon, son altérité pimenta leurs ébats. « Je deviens fou !» pensa Luc. Tout indiquait en effet que le problème nichait dans sa tête. Comme ils y étaient déjà assez de deux, il ne voulut pas assumer en plus la schizophrénie d'une fallacieuse sérénité, faire comme si rien n'était. Il décida de consulter son médecin, lequel, après l'avoir écouté, l'ausculta pour la forme, puis se gratta le menton, embarrassé. Il le rassura, hasarda une allusion à la chanson de Reggiani où un homme veut être ce monsieur qui passe. fort d'une mélodie qui lui disait qu'il n'était pas le premier à qui cela arrivait, et bien que cela ne le consolât qu'à moitié, Luc retourna à sa vie, à leur vie. Ils s'habituaient à son nouveau visage, à l'assurance qui gagnait ses gestes, ses pensées. Après tout, le rôle ne lui convenait pas si mal. Il en vint à ne plus chercher dans le miroir de la salle de bain son véritable moi derrière le masque. Il éprouvait bien parfois la nostalgie de son identité antérieure, mais il la chassait, faute d'explications et de solutions pratiques. En outre, puisque ses rapports avec Hélène trouvaient à l'échange prétexte à une nouvelle jeunesse, il n'avait pas lieu de se plaindre. Dans les moments intimes, sa femme le surprenait par ses envies inédites, son imagination débridée, son audace. Lui-même se découvrait des fantasmes qui l'auraient fait rougir avant. S'il se demandait quelquefois si tant d'amoureuses sollicitudes n'allaient pas en réalité à l'autre, il ne s'obligeait pas à répondre. Un jour, Luc songea qu'il n'avait pas revu depuis longtemps celui dont il portait, quoique à l'insu de tous, le visage. Il data la dernière fois au jour précédant sa transformation. Poussé par la curiosité, il s'attarda dans les rues du quartier, entra dans des halls d'immeubles, déchiffra des noms sur des boîtes à lettres, dévisagea des passants. Il lui semblait que s'il parvenait à retrouver l'homme, tout rentrerait dans l'ordre. Il lui rendrait son visage et reprendrait le sien. Son manège intrigua les commerçants, mais ils n'en avaient cure. Enfin, un après-midi, il le reconnut qui s'avançait vers lui sur le boulevard. Sauf que ce n'était pas le voisin anonyme qu'il découvrait à une trentaine de mètres, mais lui-même, passablement courroucé. Comprenant la méprise, Luc lança un « Je vais tout vous expliquer » qu'il aurait été en peine d'honorer, mais par lequel il voulait exprimer qu'il n'était pour rien dans la substitution qui les affligeait. L'autre ne broncha pas jusqu'à ce qu'ils fussent en présence. Chacun eut le temps de mesurer combien ils se ressemblaient. Soudain, l'un des deux, mais lequel, envoya son poing dans la figure qui lui appartenait, tout en lâchant hargneux: « Ainsi, c'est toi qui couches avec ma femme !»